بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمما لا شك فيه إخوة الإسلام أن التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والتفسير والأمور كلها سمة بارزة في جميع أعمال السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذين يمثلون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لما؟ لأنهم حققوا بهذه السمة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي التفسير وفي الأخلاق وفي السلوك، حققوا هذه السمة المفقودة في كثير من الناس اليوم، وبها استحقوا ما يتطلع إليه كل مسلم. فإن الله عز وجل يو كان دوت كل موند لو سي كو دون لا تيت دو توت ان شاكان سي كلير كو لو فيت دو سو كرومبوني à la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam et la voix de Mohammed alayhi salatu wassalam dans les croyances, dans l'adoration, dans les transactions commerciales, dans le comportement, dans l'interprétation, hein, et dans toutes les situations. Ceci est une caractéristique claire et apparente dans tous les actes de nos plusieurs doigts Allah alayhi, à savoir les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Ceux qui représentent la fraction sauvée et la fraction victorieuse. Avec cette caractéristique, ils sont arrivés à ce que beaucoup de musulmans veulent. Et le fait d'accomplir ces caractéristiques et d'être dans cette voie-là, sur la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam, hein, ils sont arrivés à des choses que tout un chacun de nous veut avoir, ces choses. Mais ils ne sauraient les avoir qu'en marchant sur leurs pas, en prenant le même chemin qu'eux. من الأمور التي استحقوها حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Et parmi les choses qu'ils ont mérité, l'amour d'Allah et l'amour de son messager عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé l'humanité entière depuis l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam, depuis la révélation de ce texte jusqu'à la fin des temps, avec ce verset: dites, si vous m'aimez, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah il vous aimera et pardonnera vos péchés. C'est une épreuve, hein? Et pour avoir l'amour d'Allah, éprouver l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, il faut l'amour de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est le fait de le suivre, c'est ce qu'il va te donner, il va te faire prévaloir l'amour d'Allah azza wa jalla. ومن الأمور التي استحقوها الهداية التامة فكانوا هداة مهتدين رضي الله عنهم وأرضاهم. لما؟ لأنهم حققوا هذه شروط الهداية وابتعدوا عن كل مانع يمنعهم من الهداية. ومن أهم هذه الشروط إطاعة أمر رسول الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا يقول وإن تطيعوه تهتدوا. من؟ رسول الله. وإن تطيعوه تهتدوا فأتوا بالشرط فاستحقوا الهداية من الله سبحانه وتعالى. Et ils ont aussi acquis cette chose qui l'a guidé complète. Ils étaient des guides. Ils étaient guidés, ils étaient des guides, radiallahu anhu wa radiallahu. Comment ils y sont arrivés en ramenant cette condition, les conditions de la guider. Ils se sont éloignés de tout ce qui va empêcher qu'ils soient guidés. Et parmi les conditions qui ont fait qu'ils soient guidés complètement, c'est l'obéissance aux ordres de Mohammed alayhi salam et le suivi de Mohammed alayhi salam. Car, il est dit dans le verset, si vous lui obéissez à qui? À Mohammed alayhi salam, vous allez être guidés. Donc ils ont ramené cette condition. Obéir à Mohammed alayhi salam. Suivre Mohammed alayhi salam. Et cette condition leur a prévalu le fait d'être guidé et d'être dans la guidée complète. Wa min a'zam al mawani' al mani'a min tahqiq al hidayah al tamma al i'rad 'an hadihi sallallahu alayhi wa sallam wa al raghbah fi ghayrihi. Il fait partie des choses et des obstacles qui vont faire qu'on ne sera pas dans la guidée complète, c'est de s'opposer et d'être à l'opposé de sa sunna et d'être en opposition avec sa sunna et avec sa voie salawatu rabbi wa salam alayhi. Car il a dit alayhi salatu wassalam qal fa man raghiba an sunnati fa laysa minni ay fa man raghiba an sunnati fa laysa huwa ala nafsi at-tariqati allati ana alayha wa hadha amrun khatir jiddan ala al-insan an la yakuna ala nafsi tariqati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Hein? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se détourne de ma voie, il n'est pas sur la même voie que moi. Et ceci est très dangereux. Très dangereux quand la personne n'est pas sur la même voie que Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il est évident que s'il prend un autre chemin que le chemin de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est opposé à la guider, au fait d'être guidé complètement. Kadhalika ridwanullahi alayhim ataw bi shartin akhar wa huwa isabatu al-haq fi al-masail al-ilmiya wa al-amaliya. Ils ont touché la vérité dans les sujets de la science et dans la mise en pratique aussi. فمن أصاب الحق في المسائل العلمية والعملية كان على الدين القويم والصراط المستقيم فإنه لا حق إلا ما وافق قول الله سبحانه وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان حققوا هذا. Ils ont touché, ils ont été dans la vérité, que ce soit dans les recherches scientifiques, dans les recherches de la science et dans les sujets qu'ils ont traités, et aussi dans la mise en pratique. Et celui qui a touché la vérité dans ces deux sujets-là, ben il est dans la vérité, il est dans la rectitude, il est dans la voie droite, car il n'y a aucune vérité sauf c'est cette vérité concorde avec la parole d'Allah. La seule vérité qui existe, c'est les choses, que ce soit au niveau scientifique, au niveau des actes, qui concordent avec la parole d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallatu wassalam. Et les compagnons de Mohammed alayhi sallatu wassalam sont au summum dans cette voie-là, radhiyallahu anhum, et à ce niveau-là. Et ceux qui les ont suivis à la perfection d'eux-mêmes. Kadhalika أتوا بهذه الشروط فنصرهم الله وظفروا بالنصر في الدنيا وهذه نتيجة أكيدة لكل من حقق الصراط المستقيم ولكل من حقق اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضي الله عليه. Et aussi ils ont eu le triomphe dans ce bas monde. Le fait d'avoir le triomphe dans ce bas monde ne peut l'avoir que ceux qui ont accompli Sirat al-Mustaqim dans sa vie. Et les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam ont accompli, ils étaient sur Sirat al-Mustaqim dans leur vie, radwanullah alayhi. Yanna man haqqaqa hubba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana min al-muhtadin. Ay man haqqaqa ittiba' al-Mustafa alayhi sallallahu alayhi wa sallam kana min al-muhtadin. Wa asaba al-haqq fi al-masa'il al-'ilmiyya wa fi al-masa'il al-'amaliyya. وكان مستجمعا بهذا لشروط النصر من عند الله فلن يتخلف فيه حق وحق في حقه وعد الله رب العالمين عز وجل وربنا يقول وعد الله الذين آمنوا منكم ها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا Lima ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Et il est évident que celui qui a ramené cette condition, le fait de suivre Mohammed alayhi salam, hein, et de suivre les ordres d'Allah azzawajal, et de suivre et de mettre en application, hein, les ordres de Mohammed alayhi salam, et d'être sur sa voie et dans sa sunna, hein, que ça soit, il est parmi les guidés. Il est parmi les guidés. Hein, et il a touché la vérité, que ce soit dans les sujets scientifiques ou là dans les actes à accomplir. Et il a mérité le fait d'être triomphé, d'avoir le triomphe dans ce bas monde. Car la promesse d'Allah, Azza wa Jal, il est là pour ceux qui ramènent la condition. Et les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam, ce sont les premiers à avoir ramené ces conditions. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait triompher. Il est dit dans le verset, Allah a promis à ceux qui ont cru et fait bonne œuvre qu'il va les faire succéder les uns derrière les autres sur terre, comme il l'a fait pour ceux avant eux. Il va leur donner la force à leur religion qu'il leur a agréée. Et il va changer leur peur et leur crainte en sécurité. Pourquoi? Ils m'ont adoré, ils m'ont fait aucun associé. فأنت ترى أخ الإسلام يوم أن أعرضنا عن طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام فانظر حالنا والمشتكى إلى الله. Et maintenant tu vois, toi qui es doué de raison, quand nous nous sommes tournés de la voie de Mohammed عليه الصلاة والسلام et de la voie de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiya, regarde ce qui nous arrive maintenant. C'est pour ça quand un des rois chrétiens a massacré beaucoup de musulmans et beaucoup de musulmanes. Il est des hommes de science qui lui ont envoyé cette lettre et dans la lettre, ce qui attire l'attention dans la lettre, c'est la compréhension qu'avait cet homme de science. Il lui a dit ceci. Ce n'est pas par ta force que tu as pu faire de nous ce que tu as fait, mais tout simplement parce que c'est nous qui t'avons ouvert la porte en laissant la voie d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiya, d'Abu Huraira, d'Abdullah ibn Abbas, d'Abdullah ibn Omar. C'est pour ça que tu es arrivé à faire de nous ce que tu as fait. La même chose nous devrons dire aussi. C'est pour ça qu'il faut que nous réapprenons la voix d'Abu Bakr, la voix d'Omar, la voix d'Uthman, la voix d'Ali, pour accomplir cette voie dans notre vie et pour avoir ce triomphe et cet honneur dans ce bas monde et avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, hein, dans le delà. Parce que l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il est là. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Il est là l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il est promis. يرحمك الله. Il est promis parmi ceux qui ont quitté la Mecque, les Muhajiroun, et leurs alliés à Médine, ceux qui leur ont donné asile, et qui les ont fait triompher, à Médine, et ceux qui les suivent à la perfection. Qu'est-ce qu'il y a après? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Donc, le seul chemin qui va nous amener à cet agrément d'Allah Azza wa Jal, dans ce bas monde et dans le delà, c'est leur voie. Il faut connaître cette voie. Et les emblèmes de cette voie sont Abu Bakr, Omar, Uthman, etc. Et de là, nous revenons à la plus grande des personnalités humaines après les prophètes alayhi salatu wassalam, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Fa Abu Bakr Siddiq afdal al-bashariyyah ba'da al-anbiya. Afdal al-bashariyyah 'ala al-itlaq ba'da al-anbiya salawat rabbi wa salamun alayhi wa radiyallahu anhu wa Allah. Partons de là, nous revenons à cette personnalité qui est la personnalité d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Parce que c'est le meilleur humain après les prophètes alayhi salatu wassalam, dans tout, dans les croyances, dans la véracité, dans la mise en application, dans le sacrifice qu'il a fait pour faire triompher la religion d'Allah Azza wa Jal et pour faire triompher Muhammad alayhi salatu salam dans tout. وقد اجمع الصحابه رضي الله عنهم والمسلمون من بعدهم سلفا وخلفا على ان افضل الصحابه والناس بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة ثم باقي أهل بدر ثم باقي أهل أحد ثم باقي أهل بيعة الرضوان ثم باقي الصحابة هكذا إجماع أهل الحق. فأبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا ينازع في ذلك إلا زائغ. Les compagnons sont unanimes, ainsi que les musulmans, hein, les anciens et ceux qui leur ont succédé. Hein, ils sont unanimes sur les vertus d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Et que le meilleur des compagnons, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, après le prophète alayhi salatu wassalam. Et le meilleur, ils sont unanimes sur le fait que le meilleur des humains, après les prophètes alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Abu Bakr Siddiq, c'est le premier de cette communauté, après le prophète alayhi salatu wassalam. Vient en deuxième, la deuxième personnalité de cette communauté, Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Vient en troisième position, Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda, Dhinnourain. Vient en quatrième position, Ali radiallahu ta'ala anhu arda. Et après, le reste des dix qui sont dans le hadith, à qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Et après eux, arrivent les gens de la bataille de Badr. Et après arrivent tous ceux qui ont assisté à la bataille de Houd. Et après tous ceux qui ont fait l'allégeance d'Ar-Ridwan, de l'agrément. Et après tous les autres compagnons. Ainsi est fait le consensus des gens de la vérité et ceux qui sont unanimes sur la vérité, qui sont dans la vérité. Abu Bakr, c'est le meilleur de cette communauté après son messager, alayhi salatu wassalam. Et ni en divergence avec ceci que quelqu'un qui est égaré. Tout simplement. Sinon, c'est l'unanimité chez les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à la fin des temps. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Wa qad naqala hadha al-ijma' ala anna afdal an-nas ba'da al-anbiya huwa Abu Bakr as-Siddiq jama'atan min ahli al-'ilm minhum. Il nous a été transmis ce consensus. Hein? Comme quoi, Abu Bakr Siddiq, c'est le meilleur de cette communauté après le prophète, alayhi salatu wassalam. Un grand nombre d'hommes de science, et leur consensus, ils dérivent directement de ces versets que vous avez entendus hier, et de ces hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on a cités hier. Qala l'imam Shafi'i, rahimahullah, fima rawahu anhu al-Bayhaqi bi isnadih, ma ikhtalafa أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة. ما اختلف أحد من الصحابة ولا يعتد باختلاف من بعدهما. ما اختلف أحد من صحابة رسول الله على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ويتبعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. الإمام الشافعي رحمة الله عليه dans ce qui est rapporté de lui par le Bayhaqi avec une chaîne de transmission ديال البيهقي رحمه الله عليه دي aucun compagnon est en divergence sur cette situation. Personne, aucun compagnon n'est en divergence comme quoi Abu Bakr Siddiq c'est le meilleur de la communauté et qu'il est suivi par Omar radiallahu anhu. Donc les compagnons sont unanimes. Donc ceux qui sont venus après eux, leur parole n'est pas prise en considération si leur parole est en divergence avec les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est elle qui passe en premier. Et leur parole fait l'unanimité comme quoi Abu Bakr Siddiq, c'est le premier de cette communauté. Suivi par le classement que vous avez entendu tout à l'heure, Omar et ainsi de suite, Uthman, Ali, etc. Wa qala al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Wa naqala al-Bayhaqi fi al-i'tiqad bi sanadihi ila Abi Thawr 'an al-Shafi'i annahu qala ajma' as-sahabatu wa atba'uhum على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. الحافظ بن حجر رحمة الله عليه dit que le Bayhaqi dans son livre l'i'tiqad avec sa chaîne de transmission qu'il remonte à Thawr, qu'il a remonte directement à Shafi'i, il dit que les compagnons de Mohammed alayhi salam sont unanimes et ceux qui les ont suivis comme quoi que l'homme qui est au-devant, qui est le premier de cette communauté, c'est Abu Bakr. Et après vient après Omar, après vient Uthman, après vient Ali. L'unanimité. Wa qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, ittafaqa ahlu sunnati ala anna afdalahum ay sahaba Abu Bakr thumma Omar. Ittafaqa ahlu sunnah. Même Nawawi rahmatullah alayhi de nous dire ceci. Les gens de la sunna sont unanimes. Le meilleur de cette communauté, le meilleur des compagnons, c'est Abu Bakr et après Omar. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa qad ittafaqa al-sunnati wal-jama'ati ala ma tawatara an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu qal. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر فهؤلاء الذين يشيعون أن أبا بكر وعمر أخذوا حق علي أين هم من قول علي الذي يقول بأفضلية أبي بكر وعمر أين هم من هذا الكلام هنا ترى أنهم لا عقول لهم وأنهم سفهاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه les gens de la sunna sont unanimes sur ce qui a été rapporté par plusieurs voix tawatur c'est-à-dire plusieurs voix de Ali رضي الله تعالى عنه وارضاه et ça c'est une preuve contre الرافضة et contre tout شيعي égaré que Ali رضي الله تعالى عنه disait lui-même Le meilleur de sa communauté, de cette communauté après son prophète, après Mohammed, c'est Abu Bakr et après Omar. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette parole qui a été transmise par plusieurs voix, tawatur, hein? Un nombre considérable de personnes qui ne peuvent pas se réunir sur un mensonge, hein? À toutes les étapes de la chaîne, hein? Pour d'où dire que Ali disait Abu Bakr c'est le premier de la communauté. Omar, c'est le deuxième de cette communauté. Hein? Et Omar, ils disent, là, Abu Bakr et Omar ont spolié le droit de Ali, radiyallahu ta'ala, le khilafat devait revenir à Ali. C'est un mensonge. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette parole? Qui est la parole de Ali, radiyallahu ta'ala, nous? Warda. Qala l'imam Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, wa nuqirru بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وهذا في الفقه الأكبر للإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام أبو حنيفة et nous approuvons et nous confirmons que les meilleurs de cette communauté après son prophète عليه الصلاة والسلام c'est Abu Bakr et après Omar et après Uthman Et après Ali, Allah subhanahu wa ta'ala a agréé tous les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa qala l'imam Ahmad rahimahullah. Wa khayrul ummati ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr wa Umar ba'da Abi Bakr wa Uthman ba'da Umar wa Ali ba'da Uthman wa hum khulafa'u rashidun mahdiyun rahimallahu l'imam Ahmad. L'imam Ahmad de nous dire meilleur de cette communauté après le prophète alayhi salatu wassalam Abu Bakr Et Omar vient après Abu Bakr. Et Uthman vient après Omar. Et Ali vient après Uthman. Uthman vient après Omar. Et Ali vient après Uthman. Radiyallahu anhum ajma'in. Et il a dit ce sont les khalifs bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. وقال أيضا رحمه الله خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق radiyallahu anhu arda. Et l'imam Ahmed de nous dire aussi, le meilleur de cette communauté, après son prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, le véridique. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu wa arda. Wa qala ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullahu ta'ala. Wa afdalu ummatihi, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq. Thumma Umar al-Faruq. Thumma Uthman al-Nurayn. Thumma Aliyun al-Murtada, radiyallahu anhu majma'in. Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, il dit le meilleur de la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam sont Abu Bakr le véridique et Omar al-Faruq, celui qui fait la séparation entre eux, le faux et le vrai. Hein? Et Uthman al-Nurayn, celui qui a les deux lumières. Hein? Pourquoi on l'appelle Dhul Nurayn? Pourquoi on l'appelle Dhul Nurayn? Là, parce qu'il a, il a épousé deux filles du prophète, alayhi salam. Il a épousé, on l'appelle Dhun Nurayn, l'homme aux deux lumières, parce qu'il a épousé la première fille du prophète, une fois qu'il est morte, il a réépousé la deuxième. Et Ali l'a gréé. Ali radiallahu ta'ala anhu wa arda. Vous voyez que le classement à l'unanimité, si les montagnes de science de cette communauté et ceux dont les paroles sont prises en considération par les hommes de science sont unanimes, que le classement est ainsi. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Yaqul l'imam Zahabi rahmatullahi alayhi, afdal l'ummati wa khalifatu rasulillah wa mu'nisuhu fil ghar wa siddiquhu l'akbar Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman al-Qurashi al-Tamimi. Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman al-Qurashi al-Tamimi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu warḍah. L'imam Dahabi de nous dire rahmatullah alayh, le meilleur de cette communauté est le khalifa après le prophète alayhi salatu salam, et celui qui était le compagnon de Muhammad alayhi salatu salam dans la grotte, et l'homme qui a pris qui était véridique et qui a pris comme véridique tout ce que lui a annoncé le prophète, c'est Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman al-Qurashi al-Tamimi radiyallahu anhu wa arda. Wa qala al-Hafidh ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wa afdalu al-Sahabati bal afdalu al-Khalqi ba'da al-Anbiya'i alayhimu s-salam Abu Bakrin ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. حافظ بن كثير رحمة الله عليه نذير le meilleur des compagnons de Muhammad عليه الصلاة والسلام sinon le meilleur de la créature d'Allah des humains après les prophètes عليه الصلاة والسلام, il disait Abu Bakr الصديق عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق يا عبد الله, وهي الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله بعد النبيين والمرسلين أبو بكر الصديق, وهذا هو المذهب الحق الذي يلزم كل مسلم أن يعتقده ويلتزمه ويتمسك به. صافخون الله عز وجل ساس سيلي كويونس des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna en ce qui concerne Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala wa arda. C'est de croire et de savoir que la meilleure des créatures et le plus noble des créatures d'Allah azza wa jalla et le plus important après le prophète alayhi salam, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala wa arda. Après les prophètes et les messagers vient Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala wa arda. Et ça, c'est la voie de la vérité, c'est la voie sur laquelle nous devons nous componer tous. Il refute toute parole qui est contraire à celle-ci. Fa Abu Bakr Siddiq radi Allahu ta'ala anhu warda kana fi Makkah qabla islamih min wujaha'i Quraysh wa ashrafihim fa huwa ahad ru'asa'ihim radi Allahu anhu warda wa kanu yasta'inuna bihi fi ma nabahum وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد, وكان رضي الله عنه وهذه من مناقبه العظمى من علماء الأنساب وأخبار العرب يعرف التاريخ, وله في ذلك باع طويل, وكان رضي الله عنه أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر, وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف محبب عند الناس, وكان رجال قومه يأتونه ويلقونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. قال صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها, هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. أشفقه الله عز وجل كأبو بكر الصديق dont avant l'islam il faisait partie parmi les nobles de Quraysh رضي الله عنه وارضاه et parmi les têtes de Quraysh, et quand ils avaient un problème ils se tournaient vers Abu Bakr الصديق pour résoudre le problème. Quand ils étaient en difficulté, ils revenaient vers Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu warda. Et à Mecca, il était l'homme qui donnait l'hospitalité, qui avait beaucoup d'invités. Personne ne l'égalait dans le fait de recevoir des invités chez lui. Et c'était un homme, un savant, dans ce qui concerne la généalogie. La science de l'ensab, de la généalogie, de remonter, de te remonter jusqu'à à tes origines. Lui, c'était un homme qui connaissait ça, qui le maîtrisait, qui était un expert. Et aussi dans tout, dans l'histoire des Arabes. Et dans cette science-là, il avait cette science, il était profondément dans cette science. Il avait un grand bagage dans cette science. Il connaissait de toutes les familles de Quraysh, il savait les remonter à leur origine. Et à mettre à tout un chacun de Quraysh son arbre généalogique. Et à le remonter à ses origines. Et c'était l'homme qui connaissait le bien et le mal qu'il y a dans Quraysh. Le bien et le mal qu'il y a dans Quraysh, c'était l'homme qui le connaissait au mieux. Et c'était un homme fortuné. Il y a un grand commerçant qui avait un noble comportement et qui faisait beaucoup de bien. Il était aimé des gens. Et quand son peuple avait des difficultés quelque part avec une tribu, il le prenait, il l'envoyait comme ambassadeur pour régler le problème. Et quand ils avaient un litige entre eux, il le prenait comme juge pour régler le problème qu'il y a entre eux. Pourquoi ? Pour la place qu'il avait. Et pour la science qu'il avait. Et pour la bonne... Il était de bonne compagnie aussi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de lui, Abu Bakr, c'est l'homme qui connaît au mieux les origines de Quraysh. Wa qala ibn al-Dughna, wa huwa sayyid al-qara, ay sayyid al-qabila, fi wasfi Abu Bakr, mataluka ya Abu Bakr, la yakhruj wa la yukhraj. إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هذه شهادة من مشرك. Et voici maintenant un témoignage de quelqu'un qui a rencontré Abu Bakr Siddiq. À un moment donné, la situation est devenue étroite pour lui par les mécréants de Quraysh. Il voulait aussi sortir et faire l'immigration. Avant l'immigration pour Médine. Abu Dughna, qui était l'un des nobles et l'un des maîtres de sa tribu, a dit dans la description d'Abu Bakr Siddiq ceci, quand il l'a rencontré. Quelqu'un comme toi, ya Abu Bakr Siddiq, on ne le fait pas sortir, il ne sort pas de chez lui. On ne l'expulse pas, il ne quitte pas chez lui. Car ceux qui n'ont rien gagné, tu le fais gagner. Tu donnes aux nécessiteux. Et tu entretiens la relation familiale et les relations et les liens du sang. Et tu aides les personnes. Et tu reçois les invités et tu les honores. Et tu aides sur toutes les situations difficiles. Hada, c'est l'attestation d'un mécréant, akhal islam. Wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda lam yashrab qatrata aw nuqtata khamr fi al-jahiliya radiyallahu anhu warda. Abu Bakr Siddiq n'a pas vu une goutte de vin ou d'alcool durant à l'époque avant l'islam, jamais. Wa yaqulu lamma su'ila radiyallahu anhu warda qala kuntu asunu 'irdi wa ahfadhu muru'ati fa inna man shariba al-khamra kana mudhi'an li'irdihi wa muru'atihi. وصدق والله وصدق والله فإن الخمر هي أم الخبائث من شربها وقع على أمه وأخته وابنته وعمته وخالته لا يفرق بين هذا وبين هذا. Et quand on lui a posé la question sur cette époque, il a dit رضي الله تعالى عنه وارضاه, je protégeais mon honneur. Le fait qu'il n'a pas bu de vin, je protégeais mon honneur et je gardais ma personnalité et mon honorabilité. Car celui qui boit de l'alcool, tout ça va partir. Son honneur, sa personnalité, va valoir rien. Regardez, ils deviennent comme des larves dans les rues. Ils urinent sur eux-mêmes. Et c'est pire. Il a dit vrai, radiallahu ta'ala wa arda, car l'alcool, c'est la mère des impuretés. Certaines personnes sont arrivées après être sous à violer leur mère, à violer leur soeur, à violer leur tante, à violer leur femme, à violer leur enfant. Ainsi où ils arrivent à l'islam. Abu Bakr Siddiq, كذلك à l'islam. من مناقبه أنه لم يسجد قط لصنم لم يسجد أبو بكر الصديق لصنم قط قال رضي الله عنه في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سجدت لصنم قط أبو بكر الصديق نشي جامي بروسترني pour une statue. Il a dit dans une assemblée de compagnons, je ne me suis jamais prosterné devant une statue. رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يحمل رصيدا ضخما من القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة في المجتمع القرشي قبل الإسلام، وقد شهد له أهل مكة بتقدمه على غيره في عالم الأخلاق والقيم والمثل، ولم يعلم أحد من قريش عاب أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعيب ولا انتقصه كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين، ولم يكن له عندهم عيب إلا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق رحمه الله عز وجل avait un noble caractère, avait de grandes qualités et un noble comportement et une nature noble dans ce milieu du paganisme. Dans ce milieu de la débauche qui était le milieu de Quraysh avant l'arrivée de l'islam. Les gens de la Mecque lui attestent ses vertus et ses qualités et son avancement et le fait qu'il était le premier dans le bon comportement et dans la noblesse du caractère. Et on ne connaissait personne de Quraysh qui pouvait lui reprocher quelque chose, qui pouvait le critiquer ou qui l'a critiqué sur quelque chose. Ou qu'il a diminué de la valeur de Abu Bakr Siddiq, comme il le faisait avec les faibles des croyants qui se sont convertis. La seule chose sur laquelle il le critiquait, c'était qu'il a cru en Allah et en son messager, alayhi salatu wasalam. C'est la seule chose. Mais ça, c'est un honneur pour lui d'être qu'on lui reproche qu'il était, qu'il croyait en Allah et en son messager, alayhi salatu wasalam. Abu Bakr Siddiq, مواقفه في مكة بعد الإسلام مواقف عظيمة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وأخذ يدعو الناس سرا إلى الإسلام، وكان أول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أول رجل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. كنت الله سبحانه وتعالى في محمد عليه الصلاة والسلام avec ce message qu'il a soumis sur Allah Azza wa Jal. Il a commencé à appeler les gens vers cette soumission à Allah Azza wa Jal. Et le premier des hommes qui a cru en Muhammad alayhi salatu wasalam, c'est Abu Bakr Siddiq. Le premier qui a cru en lui, c'est Abu Bakr Siddiq. Radiallahu anhu wa arda. Yaqul Ammar ibn Yasir radiallahu anhu wa arda. Ra'aytu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam fi Mecca. Wa ma ma'aw illa خمسة عبد ومرأتان وأبو بكر عبد ومرأتان وأبو بكر عمار بن ياسر دو نودير رضي الله تعالى عنه وارضاه جي في لو بروفيت عليه الصلاة والسلام à la Mecque et il était cinq le prophète et qui encore Abu Bakr الصديق deux femmes et un esclave Bilal رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي الحديث دلالة على قدم إسلام أبا بكر رضي الله عنه وارضاه إذ لم يذكر عمار أنه رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال غيره، وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال. ابن حجر رحمة الله عليه من تخبرت dans ce hadith, il dit dans ce hadith c'est une preuve comme quoi l'ancienneté dans ce hadith il y a prouve l'ancienneté de l'islam d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu arda. Car Ammar ibn Yasir, dans ce hadith, il n'a cité qu'un nom, Abu Bakr Siddiq. Il n'a cité qu'un seul nom. Et les Jumhur sont unanimes qu'Abu Bakr Siddiq, c'est le premier homme qui s'est converti à l'islam. Wa yaqulu Amr ibn Abbas al-Sulami radiallahu anhu arda, « Kuntu wa ana fil jahiliyati » أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا زرعاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت له وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وهذا دليل على قدم إسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. Écoute maintenant cet homme qui cherchait la vérité. Amr ibn Abbas al-Sulami, il a dit, dans l'époque d'Yel Jahiliya, je croyais que les gens, lorsqu'ils faisaient leur adoration aux tombes, etc., ils étaient dans un égarement clair. Dans le fait qu'ils adorent les statues, ils étaient dans l'égarement. Il a dit, tout d'un coup, j'ai entendu, on parle d'un homme qui dit des choses à la Mecque. J'ai pris ma monture, je suis allé vers lui. Et il a dit à cette époque, il donne la description, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, était caché, il n'osait pas faire sa da'wa. Et son peuple était audacieux, il faisait beaucoup de mal. Ils étaient audacieux. Donc il promet alayhi sallallahu alayhi wa sallam, patienté sur l'audace de son peuple, leur insulte, etc. Il a dit, j'ai pris mes précautions pour arriver vers lui, pour ne pas attirer l'attention. Et quand il est arrivé au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui tu es? Il lui a dit, je suis prophète. Il dit, c'est quoi prophète? Il lui a dit, Allah, il m'a envoyé. Il dit, avec quoi Allah, il t'a envoyé? Il lui a dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'a envoyé avec le fait d'entretenir les relations du sang et les relations familiales et de casser les statues et de réserver le culte exclusivement à Allah, azzawajal, et de ne pas lui faire d'associé. Il lui a dit, qui est avec toi sur cette voie-là? Il lui a dit, un esclave et un homme libre. Et il a dit, ce jour-là, il y avait avec lui Bilal et Abu Bakr, radiyallahu anhu wa Allah. Et ça, ce hadith te prouve encore une fois qu'Abu Bakr Siddiq, il est le plus ancien des hommes dans l'islam, radiyallahu anhu wa Allah. Wa qala ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa Allah, awwalu man adhara islamahu sab'atun, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa Abu Bakr, wa Ammar, وأمه سمية رضي الله عنهم وأرضاهم وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عن جميع صحابة رسول الله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه de nous dire les premiers qui ont montré leur islam, ils se sont pas cachés. Sont sept. رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عمار رضي الله عنه وأرضاه la mère de عمار يرحمك الله صهيب بلال المقداد رضوان الله عليه وصلوات ربي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Les premiers qui ont montré au public leur islam devant cette Quraysh forte et qui réservait un traitement spécial à ceux qui veulent vouer leur culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, c'était ces personnes-là et à leur tête, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu wa Allah. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha ba'athani ilaykum, faqultum kadhabta, wa qala Abu Bakr sadaq, wa wasani bi nafsihi wa malih. Regardez encore cet éloge du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé vers vous. Il parle à ses compagnons et aux Quraysh, etc. Et aux Arabes, il leur dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé vers vous. Il vous avait dit, j'ai menti, que tu es un menteur. Et Abu Bakr Siddiq a dit, il dit vrai, il est véridique. Et il était de mon côté, que ce soit avec sa personne, moralement et matériellement. sa fortune, tout. Il était le compagnon de Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam et il était celui qui était en aide avec Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, moralement, physiquement et matériellement. Radiallahu an Abi Bakr as-Siddiq. استنبط ابن كثير رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن أبا بكر الصديق هو أول الناس إسلاما. ابن كثير رحمه الله عليه retient de ce hadith que Abu Bakr Siddiq c'est le premier des humains qui est rentré dans l'islam. والأذلة على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أول من آمن من الرجال الأحرار كثيرة. Il est preuve comme quoi Abu Bakr الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه c'est le premier des hommes libres qui se sont convertis à l'islam sont nombreuses. فبعد أن أسلم أبو بكر الصديق أخذ يدعو الناس في مكة إلى الإسلام فآمن على يديه الكثير وأنفق رضي الله عنه ماله في سبيل الله واعتق رجالا كانوا يعذبون منهم بلال وعامر بن فهيرة وغيرهم رضي الله عنهما. Et quand Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه est rentré dans l'islam, il a commencé à appeler les gens. Il a commencé à appeler les gens à la Mecque vers l'islam. Et beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam par la voie d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Et il a dépensé son argent sur le sentier de Allah Azza wa Jal. Et il a commencé, tout esclave et toute personne faible qui se faisait maltraiter par Quraysh parce qu'il a déclaré son islam, il les libérait, il dépensait sur ce chemin radiallahu anhu. Et parmi les personnes, les compagnons qu'il a libérés, il a acheté leur liberté, Bilal radiallahu ta'ala anhu. عامر بن فهيرة إدوتر رضوان الله عليه. تقول عائشة رضي الله عنها أعتق أبو بكر رضي الله عنه سبعة ممن كان يعذب في الله عز وجل منهم بلال وعامر بن فهيرة. عائشة دنودير رضي الله تعالى عنه وارضاه أبو بكر الصديق أشتري la liberté du sept parmi ceux qui se faisaient maltraiter par Quraysh fait partie de ces sept بلال عامر بن فهيرة رضوان الله عليهم أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا. أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا. يا عمر بن الخطاب ندير أبو بكر c'est notre honorabilité, c'est l'homme le plus honorable parmi nous. Il a libéré l'homme le plus honorable parmi nous بلال رضي الله تعالى عنه. وتقول عائشة رضي الله عنها أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000. عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها تنذير الرسول أبو بكر الصديق a dépensé pour le prophète عليه الصلاة والسلام 40,000. هذه les 40,000 de cette époque, calculez ce qu'ils vont faire. C'est une fortune. كيف لا؟ وهو الذي جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر أخ الإسلام ماذا تقدم أنت لدين الله؟ وانظر سلفك الصالح ماذا قدموا لدين الله ولنصرة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Et ça ne peut pas être autrement, frère en Allah, Azza wa Jal. C'est lui qui, un jour, est venu devant le prophète. Il a ramené toute sa fortune, il l'a donné au prophète. Et le Rasoul lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Maintenant, la situation que moi, je dois me poser et toi, qu'est-ce que nous dépensons pour la religion d'Allah, Azza wa Jal, et pour la sunna de notre prophète? Quel sacrifice nous faisons pour la sunna et pour la religion d'Allah, Azza wa Jal? Chacun de nous se pose cette question. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. Et c'est pour ça que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, il n'y a pas de l'argent qui m'a servi plus que l'argent d'Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى. L'argent d'Abu Bakr Siddiq, c'est ce qui lui a servi le plus, qui l'a aidé le plus dans la da'wa ila Allah et dans beaucoup de choses. La fortune d'Abou Bakr Siddiq a fait beaucoup pour l'islam et pour faire triompher Mohammed alayhi salam. Et qu'on regarde, tout un chacun de nous regarde combien il met au service du site Dawa. Il est malheureux des fois qu'on oublie cet aspect, hein, qui est le fait de donner pour faire triompher la religion de l'Allah. Pour ouvrir un centre, l'allocation d'un centre, pour acheter, par exemple, les livres qu'on va mettre dans le centre, pour etc. Chaque fois que des frères appellent à ce genre de choses, pour que les frères puissent se retrouver entre eux, au départ, ils sont nombreux, et tout d'un coup, quand il s'agit de la sunna, de sortir son portefeuille, ben, il n'y a plus personne. Où est le problème? Où est le hic? Hein? Qu'est-ce qu'on met en avant pour nous? Parce que ceci, on avance des fois des choses. Ouais, je veux faire l'hijra. Tous, on est d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Tous, on veut cet hijra. Mais sache que le fait de dépenser 50 euros par mois, ou la 10, ou la selon tes moyens, peut-être que cette somme que tu mets au service de la dawa et sur le santé de l'az, peut-être que celle-là, elle va te faciliter ton départ. Et c'est une sadaqa jariya. Tu imagines, tu contribues, comme ici par exemple, à ce qu'il y ait une librairie ici, à ce qu'il y ait des livres d'Yel Salaf, Allah alayhi. Et que ceux qui n'ont pas les moyens, qui viennent, qui ouvrent. Chaque fois qu'il lit, tu récoltes la récompense avec lui. Lui, il lit, il a sa récompense, il profite de la science, peut-être qu'il va propager aussi. Mais toi, hein, ça tourne pour toi, Al-Hassanat. Mais ça, des fois, nous ne poussons pas plus loin que notre nez, que le bout de notre nez. Il dit qu'il s'agit du sacrifice et de mettre sa main à la pâte et de mettre sa main dans sa poche. Ben on se souffle, il n'y a plus personne. De part, tu avais devant toi 50 personnes, tout d'un coup, tu te retrouves avec 3 pelés. Où sont partis les 47? Allahu ta'ala alam. Il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que nous faisons pour notre religion, hein? Qu'est-ce que nous faisons, hein? Qu'est-ce que nous devons... C'est pas pour notre religion, c'est pour nous, en réalité. C'est pour nous. C'est parce que le fait d'œuvrer dans le bien et de faire le bien, c'est pour te protéger, protéger ta descendance aussi. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في هذا الأمر لأنه أمر مهم. Situation est grave. Il faut que nous la comprenions, comprenons en considération. ويقول عليه الصلاة والسلام وهذه منقبة عظيمة يا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أي أكثرهم رحمة لهذه الأمة. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de mettre aussi une éloge, une énorme éloge à Mohammed Ali, à Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Il dit, le plus clément et le plus doux pour ma communauté, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Et ça, c'est une éloge, une énorme éloge qui sort de la bouche de celui qui ne parle pas de ses propres passions. Fakana min rahmatihi yad'u an-nasa ila al-islam yanjoua min adhabillah wa yunfiqu malahu fi sabilillah يعتق الذين يعذبون في الارض من قبال كفار قريش. Et faisait partie de la clémence qu'il avait en lui pour les gens, c'est qu'il les appelait vers l'islam pour qu'ils soient sauvés du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il dit penser dans ce sentier là, dans le fait d'appeler les gens vers l'islam, pour libérer et acheter la liberté de ceux qui se faisaient maltraiter par les mécréants. Par les Quraishites. Regardez ces efforts qu'il a fait, radiallahu ta'ala. Et là, certains de nos frères, maintenant, en Belgique, se trouvent devant un dilemme. On veut faire revenir Cheikh Obaid al-Jabiri. La somme est colossale pour faire déplacer Cheikh avec celui qui est à son service, etc. Et pour avoir l'hôtel d'Yel Cheikh. La voiture au service d'Yel Cheikh, parce que c'est une personne âgée, donc il faut l'aménager. Et bien, quand on a fait l'annonce, il y avait tout le monde qui était, tout le monde, ta. Et quand il fallait récolter, quand on se tourne dans la caisse, ben, il n'y a rien. Il y a un hic. Pourtant, ce n'est pas n'importe qui va faire venir. Hein? C'est l'un des grands indicateurs dans la voie de, dans ce minhaj. Et pourtant, il y a un, et il est malheureux de savoir que la plus grande des sommes qui a été donnée, il a été donnée par une fille, de loin, je ne sais plus quelle région, vers... C'est quoi la région? de Thonon-les-Bains. Je ne sais pas où. Peut-être que c'est la seule salafia dans cette région. C'est la seule qui a envoyé la somme la plus importante. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voulons faire avancer cette dawa. Nous voulons avoir des cours avec le Mashaïr. Nous voulons. Ben, si on veut tout ça, ben, il faut savoir mettre sa main dans la poche. Parce que déplacer Cheikh Obaïd d'Arabie Saoudite avec celui qui a son aide, vous savez, tout ça, c'est de l'argent, ça ne peut pas venir du ciel. Il ne faut pas voir les autres, ils vont faire là. Qu'est-ce que moi je fais pour cette religion? Qu'est-ce que moi je fais? Cet argent que tu mets, sache que tu le mets, c'est au service de la da'wah. Et da'wah, là, tout un chacun l'a fait. Un l'a fait avec l'argent, l'autre a fait en propageant des livres, l'autre a fait, etc., etc. C'est tout un tout. C'est un package. Et chacun contribue selon ses capacités. Hein? Et si on n'arrive pas à comprendre ça, ben, il faut qu'on revoie un petit peu notre ménage. Hein? Une autre position vis-à-vis hein, de cette voie de ne plus être d'Allah alayhi. Hein? Il faut y réfléchir, quoi, de l'islam. Il faut que dans chaque région, hein, qui est maintenant, on peut plus, c'est fini le temps de aller tout le temps caresser dans le sens des poils, le commun des musulmans, etc. Il faut être doux avec eux et de bon comportement. Mais il faut savoir, à un moment donné, être adulte, être mûr, et avoir un centre pour soi, dans lequel on apprend comme il se doit, et on est en relation avec les hommes de science, et après, on va prier avec les musulmans, dans les musulmans, on est comme tout à Yohannes. Hein? Ou alors, il est temps aussi, dans certaines régions, d'avoir sa mosquée. Toute cette jeunesse, c'est la vie, on est incapable des fois, dans certaines villes, centaines, sinon plus, et on est incapable de gérer une mosquée, de louer un local pour 1000 euros, hein, et faire la prière, et faire revivre, et vivre ce hadith du prophète, alayhi sallam, prier comme vous m'avez prié, et avoir une jumu'a qui correspond à la jumu'a de nos plusieurs, d'Allah alayhim. Il faut qu'on réfléchisse à ça, ikhwat al-islam. Le centre, c'est vrai que c'est bien. Mais le centre, qui vient dans le centre? Que ceux qui sont avertis, ceux qui connaissent déjà le ménage. Mais la da'wa dans la mosquée est beaucoup plus importante. Parce que tu touches les pères, tu touches les mères, tu touches beaucoup. Et tu vas dissiper les nuages d'ambiguïté que ceux qui sont contre la da'wa salafia leur bourrent le crâne avec. Et le manbar est quelque chose de très important en Europe. Hein? Le manbar est très important en Europe. Tu arrives à beaucoup de choses. Pourquoi tu crois que ces éclatés maintenant, ils ont pu sur rue? Et on les fait très... Parce que justement, ils utilisent mal ces membres. Au lieu de les utiliser pour éduquer nos darons et nos mères sur la sunna et à respecter la voie du puiseur d'Allah alim, ils les montent contre la sunna. Hein? Et contre leurs enfants en même temps. Il faut qu'on se réveille un petit peu et qu'on prenne. Conscience de la situation, hein, et qu'on œuvre dans le bon sens. On ne dit pas qu'il faut tout renverser, il faut faire les choses étape par étape. Hein. Et ce qu'on ne peut pas obtenir en entier, on ne peut pas le délaisser complètement. On prend ce qu'on peut obtenir déjà. On commence par le centre dans une région, mais on ne s'endort pas dessus, et on œuvre pour la mosquée. Parce que la mosquée touche beaucoup de monde. Le centre, lui, il va toucher que toi, moi, etc. Et les frères qui connaissent déjà le ménage. Et cette da'wah, il ne faut pas qu'il s'arrête tout simplement à ceux qui connaissent le ménage. Il faut aussi qu'il touche ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'ils sont bourrés d'ambiguïté. On n'arrête pas de les bourrer, donc, que ce soit les médias, que ce soit hein, ceux qui prennent le manbar et qui ne font pas triompher la sunna de Mohammed alayhi sallam, que ce soit dans les sites internet, etc. Et j'en passe. Ben, il ne faut pas lier à ça. Il y a un combat à mener. Et dis-toi bien, il faut que tu sois une pièce de ce combat. Et ta récompense chez Allah, Azzawajal, est énorme. Il est énorme. Tu ne te rends pas compte de la récompense de ce que tu vas avoir chez Allah, Azzawajal. Et dis-toi bien que là, il t'aide. Dans cette voie-là, il n'y a aucun problème. Dès que tu mets les pieds dans l'étrier, n'aie crainte. Allah, subhanahu wa ta'ala, il aide ceux qui cherchent la vérité. Et ceux qui veulent faire triompher la vérité, il n'y a aucun doute. Il est évident que le champ n'est pas un champ dans lequel tu vas retrouver, on va t'étaler des pétales de rose, mais plutôt on va t'étaler des épines, ou plutôt des trous et des gouffres qu'on va déguiser avec des branches. Mais même si tu tombes, il faut que tu te relèves, c'est le prix à payer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enduré. Abu Bakr Siddiq a enduré. Et tous les plus aïeuls ont enduré Ridwanullah alayhim. Prends juste un exemple. Cheikh Mokbel, tout seul, dans un pays infesté de Zaydites, de Shia, etc. Infesté de Hizbi, de Sofi, etc. Tout seul, il arrive. Tout seul. Et regarde après. Après, il y a eu un Égyptien qui est arrivé. Le deuxième, le troisième, ils étaient à un moment donné à 6. Et ils ont commencé. Et regarde maintenant. Le fruit, c'est quoi? C'est que la Sunna a grignoté le Yémen. A grignoté le Yémen. Parce que les Hizbi, maintenant, ils se sentent mal au Yémen. Ils se sentent très mal au Yémen. À tel point que même les autorités, quand il y a des problèmes, ils font appel. Ils faisaient appel à Cheikh Mokbel, rahmatullah alayh. Et ils prennent en considération, ils ont confiance du centre et ont les étudiants de Cheikh Mokbel, rahmatullah alayh. Et regarde le bien que ça a fait après. Alors qu'il a commencé tout seul, il a quitté l'Arabie Saoudite, il pleurait. Rahimahullah ta'ala. Et regarde. Quelques années sont passées, ils se retrouvaient avec 3000 étudiants. Hada pendant l'année, c'est constant 3000 étudiants. Et l'été, quand arrivent les vacances scolaires, 6000 étudiants. Il y a certains qui sont avec leur famille, d'autres qui sont célibataires, etc. Et de différentes régions du monde. Ce qui fait que maintenant, à travers la planète, il n'y a pas un coin du monde où tu n'as pas un étudiant de Cheikh Mokbel Hafidhahullah ta'ala. L'Amérique. Tout coin dans les États-Unis. Tu te retrouves avec un étudiant qui a passé un an, deux ans, trois ans, et plus, moins, etc. dans le centre des choses. Ou en Afrique. Ou en Asie. Partout. Bon. Cette endurance et ce sacrifice qu'il a fait, rahimahullah ta'ala. Et regarde tout ce qu'il a laissé derrière lui. Et la machine continue à tourner. Il faut. Ou sinon, qu'est-ce que nous faisons pour cette religion? En réalité, ce n'est pas ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes pour être agréés minallah azza wa jal? Ah, quoi la question nous devons la dire? Qu'est-ce que nous faisons pour être agréés minallah azza wa jal? Et pour faire triompher cette voie de nos plusieurs d'Allah. فكان من رحمته رضي الله عنه أنه كان يدعو الناس للإسلام لكي ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى ولذلك قال تعالى في وصفه رضي الله عنه وارضاه وسيجنبها الأتقى ماذا سيجنب؟ العذاب النار الذي يؤتي ماله يتزكى كل ما يعطيه من زكاته لكي يطهر ماله وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي يعطي لوجه الله إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى سيرضى عند لقاء الله سبحانه وتعالى عندما سيجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Et c'est pour ça il appelait les gens رضي الله عنه وارضاه à l'islam pour les sauver du châtiment d'Allah عز وجل Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit ainsi, parce que le verset, il est dans son dit, il le concerne. Il rentre en priorité dans ce verset. Et il lui sera évité le châtiment de l'enfer. Qui est celui qui préserve les droits d'Allah azza wa jal. Et le premier qui préserve les droits d'Allah azza wa jal après Muhammad alayhi salatu salam, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Celui qui donnait son argent pour être purifié, pour se purifier lui-même. Il dépensait pour Allah. Et il n'attendait aucune récompense de qui que ce soit, ni un remerciement de qui que ce soit, ni la reconnaissance de qui que ce soit. Il attendait la récompense minallah azza wa jal. Et il va trouver ce qu'il agrée. C'est-à-dire quand il sera dans le delà, à ce moment-là, il va se retrouver dans un truc qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé, aucun œil n'a vu. Aucun cœur n'a pu soupçonner ce qu'il va trouver. Aucun oreille n'a pu entendre parler des choses qu'il va retrouver. وابو بكر الصديق بعد اسلامه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه الاذى بكل ما يملك من قوه يا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه après qu'il s'est converti à l'islam il défend du محمد عليه الصلاه والسلام et tout mal qui allait toucher le prophète عليه الصلاه والسلام il le repoussait par toutes ses forces et par tout ce qu'il possédait رضي الله عنه وارضاه سئل عروه سأل عروة بن الزبير عمرو بن العاص قال أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا قبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Voici maintenant comment était Abu Bakr Siddiq devant les têtes de Quraysh et devant l'assemblée de Quraysh, comment il défendait Mohammed sans avoir peur de qui que ce soit. Urwa ibn Zubair pose la question à Amr ibn al-As, dis-moi la situation la plus difficile qu'ont fait subir les associateurs à Mohammed. Il dit alors que nous étions, que le prophète prie dans le Hijr. Le Hijr, c'est cette partie. En demi-cercle, il y a le petit muret en demi-cercle, la Rasoul Salah Azmi prie dedans. Hein? Tout d'un coup, Uqba ibn Abi Ma'it arrive, il prend son tissu, il commence à étrangler le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est étranglé fortement. Et Abu Bakr Siddiq a accouru, il l'a pris par ses épaules, il l'a tiré, il l'a repoussé du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, vous allez faire tuer quelqu'un qui dit, le seul digne d'être adoré Allah, vous allez tuer quelqu'un qui dit... qui dit tout simplement le seul digne d'être adoré qu'Allah, devant toute cette assemblée de Quraysh, et devant les têtes de Quraysh, il l'a fait. Radiallahu anhu wa arda. Wa qala Ali radiallahu anhu fi khutbatillah, ayyuhan nas, man ashja'un nas. Et dans une khutba, Ali radiallahu ta'ala anhu wa arda, de dire aux gens qui est l'homme le plus brave et le plus courageux, fa qalu anta. قال أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفت منه أي غلبته ولكنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش فهذا يجره وهذا يجوءه وهذا يتلقاه ويقولون له أنت تجعل الآلهة إلها واحدا فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يضرب هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم تقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم بكى علي رضي الله عنه وأرضاه ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأسكت القوم فسكت القوم قال علي رضي الله عنه وأرضاه والله لساعة من أبي بكر خير منه أي خير من مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا يعلن إيمانه فانظر وتأمل سعة فهم الصحب الكرام رضوان الله عليهم تفهم لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الفهم فهمهم والمنهج منهجهم والعقيدة عقيدتهم فانظر كيف والله لساعة من أبي بكر خير من ذلك ذاك يكتم إيمانه وهذا يعلن إيمانه رضي الله عن صحابة رسول الله. Voici maintenant cette khutba de Ali رضي الله تعالى عنه. Il dit dans sa khutba aux gens qui est le plus brave, le plus courageux parmi les gens. Il dit toi ya Ali. Il dit non. Moi, quand je combats quelqu'un, je suis en duel avec quelqu'un, j'arrive au bout de cette personne. Je le vainque. Il n'y a pas de problème. Chaque fois que j'ai à faire un duel avec quelqu'un, je l'ai battu, pas de problème. Mais le plus courageux parmi nous, c'est Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu wa arda. Le plus courageux parmi nous, et le plus brave parmi nous, c'est Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu wa arda. J'ai vu le prophète, alayhi salatu wassalam, Quraysh autour de lui, chacun le tire d'un côté, Hadaï le bouscule de ce côté-là, etc. Et chacun lui dit des trucs, et ils lui disent, c'est toi qui veux faire de que les divinités soient une seule divinité, hein? Et il a dit, Ali radiallahu anhu, dit, par Allah, personne n'a osé se rapprocher. Il n'y avait qu'Abu Bakr qui s'est rapproché. De tout ce monde, de toute cette assemblée de Quraysh, autour du prophète, il n'y avait qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qui s'est rapproché. Et il a dit, il a commencé à frapper celui-là et à pousser celui-là pour dégager le prophète alayhi salam de leurs mains. Et il leur dit, malheur à vous, vous allez tuer un homme qui dit ni digne d'être adoré qu'Allah. Vous allez tuer un homme qui dit ni digne d'être adoré qu'Allah. Et Abu Ali radiallahu ta'ala nous a pleuré. Et il leur a dit par Allah, est-ce que le croyant de Al Fir'aoun est mieux ou Abu Bakr Siddiq? Tout le monde sait. Est-ce que le croyant de Al Fir'aoun est mieux ou Abu Bakr Siddiq? Tout le monde sait. Ali radiallahu ta'ala nous leur répond, il leur dit, une heure d'Abu Bakr Siddiq est mieux que la vie de cet homme. Le croyant de Al Fir'aoun, il cachait sa foi et ses croyances. Et Had Abu Bakr Siddiq, il l'a divulgué devant tout le monde, il l'a déclaré devant tout le monde. Le croyant de Al Fir'aoun cachait sa foi. Et Abu Bakr Siddiq l'a déclaré devant tout le monde. Et qu'il arrive ce qu'il arrive. Mais regarde ici aussi une chose très importante. Regarde cette compréhension avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a comblé Ali radiallahu ta'ala anhu arda. Et qu'il a, avec laquelle il a comblé tous les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Hein? Regarde cette déduction qu'il a déduit de cette comparaison. Hein? Une heure d'Abu Bakr Siddiq vaut mieux que la vie de cet homme. Et ça, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire de comprendre cette religion selon la compréhension des compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et d'avoir les mêmes croyances, d'avoir le même comportement et d'être sur leur voie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les a comblés de cette compréhension. Et il a agréé leur compréhension. Et parce que cette compréhension, ils l'ont prise directement du prophète. Comme on l'a dit hier, ils ont vu la révélation. Ils ont entendu directement les hadiths du prophète. Ils ont vu les approbations de Muhammad. Ils ont entendu les ordres de Muhammad. Ils ont vu Muhammad faire l'odo. Ils ont vu Muhammad faire la prière. Il est même monté sur le minbar pour leur montrer comment il faut faire la prière. Et ainsi de suite. Ils ont fait le pèlerinage avec Mohamed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ba'da islami kane yattaqillaha bima yadha'u fi batne. Fasma'akha l'islam. Faban, hatta nakhruja min al-shubuhat. Kam minna l'an. Yashtaghil fi souq sauda. Wa ma'a dhalik yuwaqqa' al-awraq li akhdi al-mu'awanat. Fasma' li Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Abu Bakr Siddiq, avant l'islam, il préservait son ventre. Il faisait attention à tout ce qui va rentrer dans son ventre. Et je veux bien que tu ouvres tes oreilles, frère, en islam, devant cette situation. Combien parmi nous maintenant, par des ambiguïtés, ou là, va voir le verdict de qui ils l'ont pris, ils travaillent au noir. Ils signent sur les papiers pour continuer à prendre les aides sociales, etc. Combien? Combien? Bah, regarde maintenant la position d'Abu Bakr Siddiq avant l'islam. Il protégeait ce qui allait rentrer dans son ventre. Wa min wara'ihi radiyallahu anhu wa ardah. Tahri al-halal min at-ta'am. Fait partie de son wara', c'est que il faisait attention. Il ne mangeait que ce qui était halal. Beaucoup parmi nous se plaignent que les doigts ne sont pas exaucés. Pourquoi ils ne sont pas exaucés? Fait partir des choses qui vont bloquer notre doua, c'est le haram. تقول عائشة رضي الله عنها كان لأبي بكر غلام أي عبد يخرج له الخراج أي يكسب له وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رضي الله عنه وارضاه البطن وما حوى والرأس وما وعى فسلفنا الصالح كانوا يحفظون بطونهم وكانوا يحفظون عقولهم من الشبهات. Donc fait partie Aïcha radiallahu ta'ala anha nous donne cet exemple. Et Abu Bakr Siddiq avait quelqu'un qui travaillait pour lui. Et du travail que faisait ce serviteur, Abu Bakr Siddiq mangeait de ce travail. Et un jour, il lui a ramené quelque chose qu'il a mangé. Et ce serviteur qui travaillait pour Abu Bakr Siddiq lui dit, est-ce que tu sais ce que tu as mangé? Abu Bakr Siddiq se tourne et lui dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Il lui a dit, c'est ce que j'ai gagné par le fait, j'ai pratiqué la voyance pour quelqu'un dans le jahiliya avant l'islam. Mais je ne suis pas, je ne pratique pas le jahiliya, je ne suis pas expert dans la voyance. Hein. Mais j'ai tout simplement trahi cette personne. Et maintenant, il vient de me payer. Il m'a donné ceci, c'est ce que tu viens de manger. Abu Bakr Siddiq a mis sa main dans sa bouche, il a tout vomi. Parce qu'il savait, préserver le ventre. Tout ce qui est illicite, tout ce qui est haram, ils savaient, ils ont enseigné à la communauté aussi de préserver leur cœur et leur raison de toute forme d'ambiguïté. Ils préservaient leur ventre, ils préservaient leur cœur et leur raison de toute forme d'ambiguïté. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés au mât, ils vont trouver ce qui va leur faire plaisir et ce qu'ils vont agréer chez Allah azza wa jalla. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le seul chemin, c'est leur chemin. Ils nous ont donné les meilleurs exemples dans tous les domaines. Dans la science, dans le sacrifice, dans le fait de mourir pour Allah Azza wa Jal, etc. etc. Wa yaqul Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, kana li Abi Bakr as-Siddiq mamlukun, yaghillu alayh, fa'atahu laylatan bita'amin, fatanawala minhu luqmatan. Faqala lahu al-mamluk, ma laka kunta tas'aluni kulla laylatin wa lam tas'alni al-layla. قال أبو بكر حملني على ذلك الجوع من أين جئت بهذا قال مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني فلما كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني قال إنك كدت أن تهلكني إنك كدت أن تهلكني فأدخل يده في حلقه رضي الله عنه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء فدعا بطس من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة قال رضي الله عنه وارضاه لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها رضي الله عنه وارضاه زيد بن أرقم دون ديغ رضي الله عنه وارضاه أبو بكر صديق به quelqu'un qui travaillait pour lui et un jour il lui a ramené une nourriture. Et il a juste mangé une bouchée. Et le jeune qui travaillait pour Abu Bakr Siddiq lui a dit, chaque soir tu demandes d'où j'ai ramené la nourriture, aujourd'hui tu ne me demandes pas. Abu Bakr Siddiq lui a demandé, il a dit, je ne t'ai pas demandé parce que j'ai trop faim. D'où tu l'as ramené? Il a dit, je suis passé par des gens, quand j'étais dans Jahiliya avant l'islam, j'ai passé à côté des gens et je leur ai fait ruqya. Ils m'ont promis quelque chose. Et aujourd'hui, je suis passé à côté d'eux, ils ont un mariage, ils m'ont donné. C'est ça, c'est ce que tu es en train de manger. Il a dit, t'as failli me faire périr. Abu Bakr Siddiq lui dit, t'as failli me faire périr. Et il a mis sa main dans sa bouche pour tout vomir. Il a commencé à vomir et ceux qui étaient autour de lui, il lui a dit, ça ne va sortir que si tu bois beaucoup d'eau. Et il lui a ramené un récipient d'eau, il a commencé à boire, se rassasier d'eau et à vomir jusqu'à ce qu'il ait vomi le morceau qu'il avait dans son ventre. Radiallahu anhu arda. Que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Pour une bouchée, on a dit à Abu Bakr Siddiq, pour une bouchée, tu fais tout ça. Il a dit, si ça ne devait sortir qu'avec ma mort, je le sortirai. Hein? Et regarde maintenant notre situation à nous. On baigne dans tout ce qui est illicite. On se donne des raisons et des excuses. Et Allah al-Musta'an. Il faut que nous voyons dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, nous devons prendre l'exemple chez les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, de ceux qui les suivent à la perfection, pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. فَهَذَا صِدِّقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهَذَا هُوَ وَرَعُهُ وَهَذِهِ يَتَقْوَاهُ وَهَذَا هُوَ الْإِيمَانُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَلَامُ. Ça, c'est le véridique de cette communauté. Ça, c'est la piété de ce véridique. Ça, c'est le fait, le summum de préserver les droits d'Allah, Azza wa Jal. Hein? Ça, c'est la foi. C'est le summum. C'est la foi complète. Et par Allah, il est le meilleur de cette communauté après Muhammad, alayhi salatu wassalam. Fannattaqillaha fi aklina lil-haram. Fannattaqillaha fi annukila auladana. Nattaqillaha fi auladina fil-haram. فلا ننبت أجساد أولادنا من الحرام. Et nous devons craindre Allah Azzawajal pour nous-mêmes, de ne pas baigner dans le haram, et de s'éloigner de tout ce qui est haram. Et même l'ambiguïté du haram, il faut s'en éloigner. Ce qui est la chose sur laquelle il y a une ambiguïté, on prend les conseils de Mohammed alayhi salatu wasalam, on s'en éloigne. Et on va vers les choses dans lesquelles qui sont claires, dans lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne faut pas faire grandir nos enfants avec le haram. Il ne faut pas que le corps de nos enfants soit des corps qui sont constitués par le haram. Nous devons préserver Allah Azza wa Jal. Nous devons nous préserver, nous. Préserver nos enfants, etc. Wa rahim Allahu nisa as-salaf ridwanullahi alayhin. كانت المرأة إذا خرج زوجها إلى السوق أخذت بمنكبه وقالت يا أبا فلان اتق الله فينا ولا تأتينا بمال من حرام فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة يا أبا فلان اتق الله فينا ولا تأتينا بمال من حرام فإننا نصبر على الجوع في هذه الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة. Et que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde les femmes de ne plus avoir droit à Allah alayhim. Quand l'homme va partir dehors travailler au val et au marché, il le prend par ses épaules et lui dit préserve les droits d'Allah azza wa jal. Préserve les droits d'Allah azza wa jal. Ne nous ramène que ce qui est halal. Car nous pouvons patienter sur la fin de ce bas monde, nous n'avons pas le courage de patienter sur le feu de l'enfer le jour de la résurrection. Ainsi les femmes, aussi ils étaient ainsi. Maintenant, sauf celles que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde. Là, fait le crédit pour la nouvelle voiture pour la femme. Là, fait le crédit pour partir en vacances. Là, fait le crédit pour ça. Jusqu'à ce qu'il sait, la vie, c'est un crédit. Il est certain, dans 20 ans, ils ne sont pas sortis des crédits. Et il est certain, des deux côtés, il faut voir la situation. Certains frères que Allah subhanahu wa ta'ala guide sont très sévères, ils ferment leur robinet complètement alors qu'ils peuvent avoir de l'aisance à l'intérieur de la maison. Et dans le halal et tranquillement. Hadou, ils doivent être dans le juste milieu. Pas tout serré parce que, à force de trop serrer, ça risque de foirer les boulons. Ça va péter. Quand ça pète, ça va faire du mal. Hein? Et il y a aussi des sœurs de l'autre côté qui au moins, ils n'arrêtent pas. Mais t'as pas vu l'autre. T'as pas vu combien de bracelets il a dans la main. Crains Allah, Azza wa Jal. Des deux côtés. Il y a des extrêmes des deux côtés. Mais il y a, dans les deux cas, il y a des gens qui sont dans les justes milieux que Allah, subhanahu wa ta'ala, les confirme dans ce juste milieu. Et il y a des grandes aberrations que j'ai entendues. Et ils disent, prépare pour l'hijra. Hijra, hijra, hijra. Alhamdulillah, vas-y. Et un jour, la femme d'un frère parle au frère. Et le frère, il lui dit, mais il faut qu'on fasse comme tel frère. Il se prépare pour l'hijra. Il a diminué l'achat de la viande. Il a diminué l'eau de la bouteille, tatati, tatata, etc. Là, c'est la sœur qui raconte. Parce que c'est ce que lui a raconté la femme du frère. Et d'un coup, le frère, il lui dit, il dit, trompe-toi, tout ce que tu dis, c'est faux. Il est toujours avec nous au snack. Tous les soirs, il est avec nous au snack. À l'intérieur, ferme le robinet, dehors, lui, vas-y. Hein. Panini, j'en passe. Hein? Subhanallah, où est-ce qu'on va comme ça? C'est comme ça qu'on va triompher la voix d'une plusieurs d'Allah, allez. Hein? Quelle image on se donne? Quelle image après vont tout l'entourage, les sœurs entre elles, etc. Quelle image après? Il faut que nous soyons dignes de cette voie. Et que je peux quelque chose, je le peux, je ne peux pas, ben, on ne se ment pas soi-même. On ne fait pas des choses qui sont en divergence avec la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et avec la voie de notre prophète alayhi salatu wassalam. Nous voulons être dans la vérité, ben, il faut être dans cette vérité. Coûte que coûte. Et il y a des choses. Est-ce qu'il y a lieu à mentir là en... Ah, c'était prends la viande. Il ne ment pas. Il ne joue pas ce jeu avec celle qui partage sa vie avec toi, qui est la mère peut-être de tes enfants, etc. Hein? Enfin, Et regardez nos puissants dans la communauté. Regardez ces nobles femmes. Hein? Ah, notre cas, d'une de nos soeurs, il arrive, le mari il arrive. Ouais, il dort, il vient du travail fatigué, il prend la clé de la voiture et la carte bleue. Il va et vide le compte. Regarde. Il a dit, c'est pas quelqu'un. La personne elle-même est venue nous le compter à l'intérieur de la maison chez moi. Ma femme dit, crains Allah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors que lui, alhamdulillah, malgré qui est parfait, il est sur le ménage, il le sait, etc. Mais regarde. Hein? Regarde. Où est-ce qu'on va comme ça? Quelle bénédiction il va y avoir après dans ce genre de quand il y a ce genre. Hein, de comportement dans les couples, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ces couples vont? Quelle bénédiction il va y avoir? Il va y avoir l'agrément de l'Allah dans des relations qui sont, on attend, les aguets. Hein, qui va profiter au mieux de l'autre? L'islam, c'est pas comme ça. Il faut aussi que nous revenions aussi à aux positions qu'avaient les femmes des compagnons d'Allah et de ceux qui les suivent à la perfection, Inch'Allah. Et voir comment ils étaient, le modèle qu'ils étaient. Hein? Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, nous ferons un des exemples, comme l'exemple d'Umm Sulaym ou autre. Radwanullah alayhim jami'an. Falamma dayaqa kuffaru makkata ala al-muslimin. فلما ضيق كفار مكة على المسلمين في مكة بنى أبو بكر مسجدا في داره وقام يصلي فيه ويقرأ القرآن ويبكي. تقول عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة الطويل ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. كنت la situation commençait à être difficile à la Mecque pour les musulmans, Abu Bakr Siddiq a construit une mosquée à l'intérieur de sa maison. Et il prie dans cette mosquée, et dans sa mosquée, il lit le Coran. Et Abu Bakr Siddiq, quand il lit le Coran, après tu ne peux plus entendre les versets qui suivent, parce qu'il pleure. Il réagit hein, avec les versets du Coran. Donc il pleurait beaucoup quand il lisait le Coran, radiallahu anhu arda. Et Aisha, radiallahu ta'ala, nous dit, dans le hadith, dans le long hadith de l'Hijra, de l'immigration du Prophète alayhi salam et de Abu Bakr, et il a paru à Abu Bakr de construire une mesquite dans le milieu de sa maison. Et il priait dedans et il lisait dedans le Coran. Du coup, les femmes des associateurs se mettaient sur les terrasses pour entendre la lecture d'Abu Bakr, ainsi que les enfants, etc. Et ils étaient étonnés. Et ça leur plaisait. Hein? Et ils regardaient comment il faisait, radiallahu ta'ala, au niveau de sa prière. Et Abu Bakr Siddiq disait, Aïcha, radiallahu ta'ala, pleurait beaucoup. Hein? Quand il lit le Coran, il n'arrivait pas à retenir ses larmes. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا برحلة الإسراء والمعراج افتتن ناس كثير جاءوا إلى أبي بكر فذكروا له ذلك فقال أشهد أنه صادق ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فقالوا تصدق أنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة قال نعم إني أصدق بأبعد من ذلك وصدقه بخبر السماء. Et quand Rasoul Salah, certains comme Abu Jahl et autres sont arrivés vers Muhammad alayhi salatu wasalam, quand il a fait son voyage nocturne et son ascension vers son mi'raj, vers le ciel, beaucoup de personnes ont été perturbées dans leur esprit. Ils sont venus vers Abu Bakr et lui ont conté ce qu'il le prophète leur a dit. Comme quoi, dans la même nuit, on a laps de temps, il est parti à Jérusalem, il a prié à la mosquée de Jérusalem, il est revenu dans la même nuit. Et il était avec eux. Et quand ils ont annoncé ça à Abu Bakr Siddiq, sans l'avoir entendu le prophète, il a dit ça, donc c'est vrai. Point final. Il a dit ça, c'est vrai. Ils lui ont dit, tu le prends comme véridique, ce qu'il vient d'annoncer, comme quoi il a été à Cham, au nord de l'Arabie, en une nuit, et il est revenu à la Mecque. Tu prends cette annonce comme véridique. Il leur a dit, radiallahu ta'ala, nouarda, oui. Car je prends comme véridique ce qu'il m'annonce, ce qui lui arrive du ciel. C'est-à-dire la révélation. Je prends comme véridique ce qu'il lui révélait et ce qu'il m'annonce comme révélation, donc ceci, ce que vous dites, c'est rien. C'est rien par rapport à la révélation. Ce n'est rien ce que vous dites. Donc comme je prends comme véridique la révélation, ceci, je le prends comme véridique. إنه الصديق الذي كان شعاره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق هذا هو أبو بكر الصديق في مكة قبل إسلامه وبعد إسلامه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام دافقه خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام دافقه Ça c'est le véridique. Abu Bakr Siddiq, son emblème était toujours avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. S'il a dit ça, il a dit vrai. Si Mohammed l'a dit, là il a dit vrai. Ça c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. À la Mecque, avant son islam, et nous l'avons vu son comportement, comment il était avant son islam, et on l'avons vu comment il était après l'islam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Il a dit, les meilleurs d'entre vous, dont la période pré-islamique, seront les meilleurs dans l'islam s'ils ont la compréhension de la religion. Et Abu Bakr Siddiq avait cette compréhension de la religion. Donc il était meilleur dans le jahiliya et il était encore meilleur dans l'islam. Radiallahu anhu wa arda. Et qu'on déplaise à Rafida, qu'on déplaise à ses rawafid qui l'insultent matin et soir. C'est eux qui méritent d'être insultés et non pas Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu wa arda. ويكون موقفنا هنا إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم